Section 117 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 117, Les amours de Gilles. Livre 3e, Gilles, par Louis Morin. Chapitre 8, Intrigue au couvent San Zaccaria. Une dernière distraction vint enfin détourner la pensée de Gilles des tendresses familiales, le jeu dans les couvents de femmes. Les 35 couvents que Venise possédait à cette époque étaient de mœurs différentes. Il y avait des couvents de pieuses filles qui se réunissaient pour prier Dieu et pour faire leur salut. Le bruit du monde n'y entrait guère. Il y avait des couvents d'éducation où la noblesse mettait ses filles, lesquelles étaient sévèrement tenues. Et il y avait aussi des couvents mondains, des réunions de jeunes veuves, de femmes séparées ou de jeunes filles que des circonstances particulières avaient vouées au célibat. Dans ces derniers, la vie était très libre, nulle règle absolue. Les religieuses se levaient, se couchaient et priaient à leur guise. Elles pouvaient sortir dans la ville quand bon leur semblait, la nuit comme le jour, et masquées pendant le carnaval. Elles se promenaient décolletées. La gorge transparaissait sous le voile. Au couvent, elles ne portaient sur la tête qu'une petite pointe de satin jaune et leurs vêtements gris, noirs ou jaunes s'ornaient coquettement de fleurs et de rubans. Il y avait dans ces couvents-là des réceptions journalières. Derrière les larges grilles du parloir, les religieuses recevaient la haute société, souvent même la moyenne, des acteurs et des actrices, et il n'était gentiment bien posé qui n'eût quelque tendresse à San Zaccaria ou dans tel autre de ses couvents. Quelquefois, ces dames n'avaient point d'intrigue pour leur compte, mais s'intéressaient à celles d'amis de la ville. Peu à peu, l'habitude était venue que les patriciennes vinssent cacher leurs amours dans l'ombre discrète des vieux arceaux. Il y avait des jours fériés pour ces couvents. On donnait des dîners, des bals, des concerts. Il fallait voir l'empressement de tous les jeunes gens de la ville pour être parmi les invités, parmi les Monachini. La réputation de Gilles avait pénétré à San Zaccaria. Quelques-uns de ses amis, priés par les religieuses, l'engagèrent à les y accompagner. Il y parut un jour de fête masquée. Dans le grand parloir voûté, les nonnes se pressaient derrière leurs grilles et la salle était occupée par les personnes les plus considérables de Venise. On voyait des patriciens en perruque et en toge, serrés dans leurs ceintures noires à clous d'or, de grandes dames en robes à paniers avec des garnitures de fourrure, non point à cause du froid, car elles avaient la poitrine nue, mais parce que cela seyait en saison d'hiver. Des King Charles sautaient après elles ou dormaient sur leurs genoux. On voyait aussi des gens masqués, un bourgeois en manteau rouge, la bahute sur la tête, des haiducs qui venaient apporter des présents et des lettres. Des masques venaient, pantalons ou arlequins, turcs ou chinois. Reconnus par la tourière devant laquelle ils soulevaient leurs masques, il leur était ensuite loisible d'intriguer tout le monde sans se découvrir. Ils allaient de grille en grille, saluaient les religieuses en se contrefaisant la voix et leur disaient parfois, pour les mettre au fait, des choses qui les faisaient un peu rougir. Dans un coin du parloir, un guignol amusait les enfants. On entendait de loin la voix nasillarde du petit Pulcinelle et les coups secs de la batte du petit Arlequin sur la tête du petit Pantalon. Gilles, présenté à la supérieure, aux sœurs et aux dames, fut le point de mire de tous les regards et de tous les compliments. Ce rôle lui agréait fort maintenant. Il y avait belle lurette qui ne songeait plus à faire le modeste. Cependant, les musiciens arrivèrent. Le guignol se tut et quelques couples se formèrent pour le menuet. Gilles n'était point venu pour danser et il se promenait de côté et d'autre lorsqu'une femme en tabarot, très étroitement masquée, prononça son nom en passant auprès de lui. « Gilles !» Gilles se retourna, cherchant à reconnaître, mais la taille et la démarche ne lui apprirent rien. Et cependant le son de la voix, bien que manifestement déguisé, lui était connu. Alors une idée lui passait par la tête, une idée qui lui fit tout à coup affluer le sang au cœur. « Séraphine !» Et il fendit la foule pour faire un second examen de la personne mystérieuse. Et non, le masque était plus grand qu'elle, beaucoup plus grand, et puis ce n'était point là sa manière de marcher. Il suivit longtemps l'intrigante qui faisait semblant de ne pas remarquer cette poursuite, et il eut tout le loisir d'admirer sa gentille tournure. Elle avait une très ample robe rose, un manteau de satin gris bordé de rubans jonquilles, et sous la blonde noire de sa bahute, des blancheurs nacrées se fondaient doucement avec le jaune, le gris et le rose de ses vêtements, en des tons amortis de pastel. Sous les retroussisses de la jupe, relevée par derrière, ses mules grises apparaissaient et même un coin de ses bas brodés d'argent. Gilles suivait toujours son inconnue, cherchant à la dépasser pour voir au moins ses yeux, ses lèvres, quelque chose qui pût le mettre sur la voie. Son amour naturel des choses cachées, mystérieuses, se réveillait encore une fois, comme à la mascarade de la place Saint-Marc. « Ah, monsieur Gilles, c'est mal de ne pas reconnaître ses amis. »« Si mes yeux n'ont pu vous reconnaître, madame, » répondit Gilles, en croisant plaisamment les mains sur sa poitrine, « mon cœur est plus perspicace, car il bat terriblement. »« Voilà qui est bien galant pour un homme marié, monsieur Gilles. » « Me prenez-vous pour Madame Paquette ?»« Vous plaît-il ?» dit Gilles, sans répondre à cette indiscrète question, « que nous dansions un menuet ?»« Volontiers !» Ils dansèrent, mais Gilles eut beau faire et serrer de très près sa danseuse, il ne put la reconnaître. Cette intrigue dura toute l'après-midi. Le soir arrivé, comme chacun se retirait pour aller souper, le masque prit congé de Gilles en lui disant « à ce soir », et le laissa fort étonné, car il ne s'était pas donné de rendez-vous. Gilles rentra chez lui, très préoccupé des aventures de la journée. Il était surpris surtout de l'émotion que lui avait causée le souvenir de Séraphine. C'était comme une blessure ancienne qui se serait tout à coup ouverte de nouveau. Des souvenirs lui revinrent en foule. Il se rappela des choses, des détails oubliés depuis très longtemps, et la douleur de l'abandon qui l'avait fait tant souffrir lui revint presque aussi vive qu'à cette triste époque de sa vie. Comme c'était drôle, ce rappel des vieux chagrins provoqués par une ressemblance de voix, et une réflexion qui rendait l'état de son âme lui vint aux lèvres. « Oui, j'aimais Séraphine parce que je l'aimais et j'aime Paquette parce qu'elle m'aime. » Et il ajouta très honnêtement, « Dieu veuille que je ne rencontre jamais Séraphine. » Le soir, Paquette ne jouait pas. Gilles la laissa auprès de maman Pulcy et s'en alla tout seul au théâtre. À son arrivée, il rencontra la nouvelle Colombine, Mademoiselle Florise, qui, tout aussitôt, se mit à lui rire au nez. « Votre cœur, monsieur Gilles, est-il si perspicace que cela? Voyons s'il bat encore, maintenant que je ne suis plus une belle inconnue. » Et elle lui posa familièrement la main sur la poitrine. « Comment? C'était elle, Florise, le petit masque du matin? » Et depuis si longtemps déjà, il jouait avec elle sans avoir remarqué qu'elle avait le timbre d'argent de Séraphine. Ils rirent de bon cœur de l'aventure. « Allez, » dit Florise, « je suis discrète, je ne dirai rien à votre femme. À propos, vous savez que nous jouerons ensemble à San Zaccaria ? Oh, quelques impromptus, des pièces à deux personnages. J'ai des amis au couvent qui veulent me voir jouer, et je vous ai choisi pour me donner la réplique. » Fin de la section 117, lu par Agnès, Obi, 2024.